Stiki di no no no, bo dawaj. Matiki baj. Stiki di no no no, bo dawaj. Un regard sur la vie. Toujours plus de règles et toujours moins de liberté. Voici la vie dans laquelle Babylone veut nous conditionner. Ce n'est pas comme ça que je l'avais envisagé. Ce n'est pas pour autant que je ne sais pas l'apprécier. Mais j'aimerais pouvoir enfin apprécier la lumière du jour. Et j'aimerais que tout le monde puisse tendre la main pour plus d'amour. Ne pas oublier mon passé qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. L'amour pour tous mes proches ainsi que pour mon bonheur. Essayer de penser positif quoi qu'il puisse arriver. Et me dire que dans la vie où Oumandra n'est jamais gagné. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'esprit pour vivre dans ce monde qui est loin d'être le paradis. Wow, wow. Tous les jours ce n'est pas facile mais faut quand même avancer. Wow, wow. La vie n'est pas docile mais elle sait de te l'approprier. Recherche le soleil quand le tonnerre gronde. Imagine tes rêves l'espace d'une seconde. N'attends pas demain pour voir fleurir le monde. Je ne veux plus que personne ne tombe. La route sur laquelle je marche est faite de terre. Retour vers la nature tout en restant solidaire. Mais plus question d'aller perdre son temps. Je veux partir dès maintenant. Je prends la chance que l'on me tend et je pars pour longtemps. Je continue mon chemin peu importe le nombre d'escales. Ma volonté d'avancer dans ce monde bestial. Ne plus regarder par-dessus mon épaule. Fermer les yeux, ne plus jouer de rôle. Wow, wow. Tous les jours ce n'est pas facile mais faut quand même avancer. Wow, wow. La vie n'est pas docile mais elle sait de te l'approprier. Recherche le soleil quand le tonnerre gronde. Imagine tes rêves l'espace d'une seconde. N'attends pas demain pour voir fleurir le monde. Je ne veux plus que personne ne tombe. Un monde de silence où règnent seulement les apparences. Surtout ne fais pas de bruit, tout le monde oublie la tolérance. Alors ne souris pas, non ne rigole pas. La joie, la bonne humeur, non tu n'as pas le droit. Oui ça fait mal, mal, mal de voir qu'on est tombé bien bas. Mal, mal, mal quand les gens nous montrent du doigt. Alors cours aussi vite que tu peux pour fuir la foule qui te poursuit. Si tu veux pouvoir vivre heureux, vis ta propre vie. Wow, wow. Tous les jours ce n'est pas facile mais faut quand même avancer. Wow, wow. La vie n'est pas docile mais essaie de te l'approprier. Recherche le soleil quand le tonnerre gronde. Imagine tes rêves l'espace d'une seconde. N'attends pas demain pour voir fleurir le monde. Je ne veux plus que personne ne tombe. Médite sur ta vie, Batman, avant de prendre le gun. Tu ne sais pas le mal qu'elle peut causer parmi les jeunes. Médite sur ta vie quand tu te réveilles le matin. Pendant que d'autres ont dormi dehors en mourant de faim. Dis-toi que pour survivre, des gamines vendent leur corps en Afrique. Les putes à la cocaïne font partie de notre république. Tous ces vampires ne sont assoiffés que par le fric. Reprends-toi en main avant que ton destin soit tragique. Wow, wow. Tous les jours ce n'est pas facile mais faut quand même avancer. Wow, wow. La vie n'est pas docile mais elle sait de te l'approprier. Recherche le soleil quand le tonnerre gronde. Imagine tes rêves l'espace d'une seconde. N'attends pas demain pour voir fleurir le monde. Je ne veux plus que personne ne tombe. Wow, wow. Tous les jours ce n'est pas facile mais faut quand même avancer. Wow, wow. La vie n'est pas docile mais essaie de te l'approprier. Recherche le soleil quand le tonnerre gronde. Imagine tes rêves l'espace d'une seconde. N'attends pas demain pour voir fleurir le monde. Je ne veux plus que personne ne tombe.